et d'Arduino. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Oh, avenir, oh, sans cela, oh, fais quoi? Oh, m'en fous. Ils ne veulent pas de toi dans leur surprise parti. Car ton père est communiste et ton frère est garagiste. Être tout seul, t'as appelé tous tes copains, tout seul de la banlieue rouge, pour une vraie surprise party. Oh, samedi soir